Chapitre 2. Blotti dans le coin de son coupé, les pieds sur sa boule d'eau bouillante, sa pelisse bien serrée autour de lui, Malivet regardait, sans les voir, les bizarres jeux d'ombres et de lumière que faisaient, contre la vitre couverte d'une légère buée, des éclats soudains d'une boutique incendiée de gaz et encore ouverte à 7 heures avancée, et les perspectives des rues étoilées de quelques points brillants. La voiture traversa bientôt le pont de la Concorde, sous lequel coulait obscurément la Seine avec ses miroitements sombres et ses reflets de lanterne. Tout en roulant, Malivert ne pouvait s'empêcher de penser au soupir mystérieux qu'il avait entendu ou cru entendre au moment de quitter sa chambre. Il se disait tout ce que les sceptiques allèguent de raisons naturelles pour expliquer l'incompréhensible. Ce devait être sans doute le vent engagé dans la cheminée ou dans le corridor. Quelques bruits du dehors modifiés par l'écho. La vibration sourde d'une des cordes du piano ébranlée au passage d'une voiture pesante. Ou même une plainte de son angora rêvant auprès du feu comme il l'avait imaginé d'abord. Rien n'était plus probable, le bon sens le voulait. Cependant, Malivert, tout en reconnaissant combien ses explications étaient logiques, ne pouvait intérieurement s'en contenter. Un instinct secret lui affirmait que ce soupir n'était dû à aucune des causes auxquelles sa prudence philosophique l'attribuait. Il sentait que ce faible gémissement partait d'une âme et n'était pas un bruit vague de la matière. Il s'y mêlait un souffle et une douleur. D'où venait-il alors? Guy n'y pensait qu'avec cette espèce d'anxiété pleine de questions qu'éprouvent les plus fermes d'esprit qui, sans le chercher, se rencontrent avec l'inconnu. Il n'y avait personne dans la chambre, personne, excepté Jack, créature peu sentimentale. Le soupir, doucement modulé, harmonieux, attendri, plus léger qu'un susurrement de brise dans des feuilles de tremble, était féminin, indubitablement. On ne pouvait lui nier ce caractère. Une autre circonstance intriguait Malivert. C'était une lettre qui s'était écrite, pour ainsi dire, toute seule, comme si une volonté étrangère à la sienne eût guidé ses doigts. L'excuse d'une distraction, dont Guy s'était payé d'abord, ne pouvait guère être prise au sérieux. Les sentiments de l'âme passent par le contrôle de l'esprit avant de se fixer sur le papier, et d'ailleurs ils ne vont pas s'y rédiger d'eux-mêmes pendant que le cerveau rêve à autre chose. Il fallait qu'une influence qu'il ne pouvait définir se fût emparée de lui pendant qu'il était absent de lui-même et eût agi à sa place, car il était bien sûr, maintenant qu'il y réfléchissait, de n'avoir pas dormi une seule minute. Toute la soirée, il avait été paresseux, somnolent, engourdi par une torpeur de bien-être, mais à ce moment-là il était parfaitement éveillé. L'alternative contrariante d'aller chez Madame d'Imbercourt ou de lui écrire un billet pour se dégager de l'invitation lui donnait même une certaine surexcitation fébrile. Ces lignes qui résumaient son idée secrète d'une façon aussi juste et plus nettement qu'il ne se l'était encore avoué était due à une intervention qu'il fallait bien qualifier de surnaturelle jusqu'à ce que l'analyse l'eût expliquée ou lui eût donné un autre titre. Pendant que Guy de Malivert remuait ses questions dans sa tête, la voiture roulait par les rues que le froid et la neige rendaient plus désertes qu'elles ne l'eussent été dans ces quartiers élégants et riches où la vie nocturne ne s'arrête que fort tard. La place de la Concorde, la rue de Rivoli, la place Vendôme, avaient été promptement laissées en arrière, et le coupé, prenant le boulevard, tourna le coin de la rue de la Chaussée-d'Antin où demeurait Madame d'Imbercourt. En entrant dans la cour, Guy éprouva une sensation désagréable. Deux files de voitures avec leurs cochers engoncés de fourrure stationnaient dans l'espace sablé qui en occupait le centre, et les chevaux ennuyés secouant leurs morts mêlaient sur le pavé des flocons d'écume à des flocons de neige. Voilà ce qu'elle appelle une soirée intime, un thé au coin du feu. Elle n'en fait jamais d'autre. Tout Paris va être là. Et moi qui n'ai pas mis de cravate blanche, grommela Malivert. J'aurais mieux fait de me coucher. Mais j'ai essayé d'être diplomate comme Talleyrand. Je n'ai pas voulu suivre mon premier mouvement parce que c'était le bon. Il monta l'escalier d'un pas lent, et après s'être débarrassé de sa pelisse, il se dirigea vers le salon dont un laquais lui ouvrit les portes avec une sorte de déférence obséquieuse et confidentielle comme à un homme qui serait bientôt le maître de la maison et au service duquel il désirait rester. « Comment ?» se dit tout bas Guy de Malivert, remarquant cette servilité plus accentuée qu'à l'ordinaire. « Il n'est pas jusqu'au domestique qui ne dispose de ma personne et ne me marie de leur autorité privée à Madame d'Imbercourt. Les bans ne sont cependant pas encore publiés. » Madame d'Imbercourt, en apercevant Guy qui s'avançait vers elle, baissant la tête et faisant le gros dos, ce qui est le salut moderne, poussa un petit cri de satisfaction qu'elle essaya de corriger par un air de froideur boudeuse. Mais ses lèvres, toujours souriantes, habituées à découvrir jusqu'à leur gencive rose des dents d'une nacre irréprochable, ne purent se rapprocher pour former la jolie moue qu'on leur demandait. Et la dame, voyant du coin de l'œil dans une glace que cette physionomie ne réussissait pas, prit le parti de se montrer bon enfant, comme une femme indulgente qui sait qu'on ne doit pas exiger beaucoup, aujourd'hui, de la galanterie des hommes. « Comme vous venez tard, monsieur Guy, » dit-elle en lui tendant une petite main si étroitement gantée qu'elle semblait de bois au toucher. « Vous vous êtes sans doute attardé à votre vilain club, à fumer vos cigares et à battre les cartes. Aussi, et c'est votre punition, vous n'avez pas entendu le grand pianiste allemand Kreisler jouer le galop chromatique de Liszt, ni la délicieuse comtesse Salvarosa chanter la romance du saule comme jamais ne l'a fait la Malibran. » Guy, en quelques phrases convenables, exprima le regret qu'il ressentait, à vrai dire médiocrement, d'avoir manqué le galop de virtuose et l'air de la femme du monde, et comme il se trouvait un peu gêné d'avoir autour du col, parmi ces gens très parés, deux doigts de soie noire au lieu de deux doigts de mousseline blanche, il chercha à s'échapper par la tangente et à gagner quelques coins moins inondés de lumière, où ce solécisme involontaire de toilette se dissimula plus aisément dans une ombre relative. Il eut beaucoup de peine à effectuer cette résolution, car Madame d'Imbercourt le ramenait toujours au milieu du cercle par un coup d'œil ou quelques mots qui exigeaient une réponse que Guy faisait la plus brève possible. Mais enfin, il parvint à gagner une embrasure de porte conduisant du grand salon à un autre salon plus petit, arrangé en serre, tout treillagé et tout palissé de camélias. Le salon de Madame d'Imbercourt était blanc et or, tapissé de damas des Indes cramoisies. Des meubles larges, moelleux, bien capitonnés le garnissaient. Le lustre à branches dorées faisait luire les bougies dans un feuillage de cristal de roche. Des lampes, des coupes et une grande pendule qui attestait le goût de Barbédienne ornaient la cheminée de marbre blanc. Un beau tapis s'étalait sous les pieds, épais comme un gazon. Les rideaux tombaient sur les fenêtres amples et riches, et dans un panneau magnifiquement encadré, souriait encore plus que le modèle, un portrait de la comtesse peint par Winterhalter. Il n'y avait rien à dire de ce salon meublé de choses belles et chères, mais que peuvent se procurer tous ceux à qui leur bourse permet de ne pas redouter un long mémoire d'architecte et de tapissier. Sa richesse banale était parfaitement convenable, mais elle manquait de cachet. Aucune particularité n'y indiquait le choix, et la maîtresse du logis absente, on eût pu croire qu'on était dans le salon d'un banquier, d'un avocat ou d'un Américain de passage. L'âme et la personnalité lui faisaient défaut. Aussi Guy, artiste de nature, trouvait-il ce luxe affreusement bourgeois et déplaisant au possible. C'était pourtant bien le fond duquel devait se détacher Madame d'Imbercourt, elle dont la beauté ne se composait que de perfections vulgaires. Au milieu de la pièce, sur un pouf circulaire surmonté d'un grand vase de Chine, où s'épanouissait une rare plante exotique dont Madame d'Imbercourt ne savait même pas le nom et que son jardinier avait placée là, s'étalait, assise dans des gazes, des tulles, des dentelles, des satins, des velours, dont les flots bouillonnants leur remontaient jusqu'aux épaules, des femmes, la plupart jeunes et belles, dont les toilettes, d'un caprice extravagant, accusaient l'inépuisable et coûteuse fantaisie de Worth. Dans leurs chevelures brunes, blondes, rousses et même poudrées, d'une opulence à faire supposer au moins malveillant que l'art devait y embellir la beauté, contrairement à la romance de M. Planard, scintillaient les diamants, se hérissaient les plumes, verdoyaient les feuillages semés de gouttes d'eau, s'entr'ouvraient les fleurs vraies ou chimériques, bruissaient les brochettes de sequins, s'entrecroisaient les fils de perles, reluisaient les flèches, les poignards, les épingles à deux boules, miroitaient les garnitures d'ailes de scarabée, se contournaient les bandelettes d'or, se croisaient les rubans de velours rouge, tremblotaient au bout de leur spirale les étoiles de pierreries, et généralement tout ce qui peut s'entasser sur la tête d'une femme à la mode, sans compter les raisins, les groseilles et les baies à couleurs vives que Pomone peut prêter à Flore pour rendre complète une coiffure de soirée, s'il est permis à un lettré qui écrit en l'an de grâce 1865 de se servir de ces appellations mythologiques. Adossé au chambranle de la porte, Guy contemplait ses épaules satinées sous leurs fleurs de poudre de riz, ses nuques où se tordaient des cheveux follets et ses poitrines blanches que trahissaient parfois l'épaulette trop basse d'un corsage. Mais ce sont là de petits malheurs auxquels se résigne aisément une femme sûre de ses charmes. D'ailleurs, le mouvement pour remonter la manche est des plus gracieux, et le doigt qui corrige l'échancrure d'une robe et lui donne un contour favorable fournit une occasion de jolie pose. Notre héros se livrait à cette intéressante étude qu'il préférait à de banales conversations. Et, selon lui, c'était le bénéfice le plus clair qu'on rapporta d'une soirée ou d'un bal. Il feuilletait d'un œil nonchalant ses livres de beauté vivant, ses keepsakes animés que le monde sème dans ses salons, comme il place sur les tables des stéréoscopes, des albums et des journaux à l'usage des gens timides embarrassés de leur contenance. Ce plaisir, il le goûtait avec d'autant plus de sécurité que par suite du bruit répandu de son prochain mariage avec Madame d'Imbercourt, il n'était plus obligé de surveiller ses regards jadis guettés par les mères désireuses de placer leur fille. On n'attendait plus rien de lui. Il cessait d'être une proie, c'était un homme classé. Et bien que plus d'une jugeât, in petto, qu'il eût pu faire un meilleur choix, la chose était acceptée. Et même il eût pu, sans conséquence, adresser deux ou trois phrases de suite à une jeune personne. N'était-il pas déjà le mari de Madame d'Imbercourt? Dans la même embrasure de porte que M. Guy de Malivert, se tenait un jeune homme qu'il rencontrait souvent à son club et dont il aimait assez la tournure d'esprit, empreinte d'une bizarrerie septentrionale. C'était le baron de Féroé, un Suédois compatriote de Swedenborg, comme lui penché sur l'abîme du mysticisme et pour le moins aussi occupé de l'autre monde que de celui-ci. Le caractère de sa tête était étrange. Ses cheveux blonds, tombant en mèches presque droites, paraissaient plus clairs que sa peau et sa moustache était d'un or si pâle qu'on eût dit de l'argent. Il y avait dans ses yeux d'un gris bleuâtre une expression indéfinissable et leur regard, ordinairement à demi voilé par de longs cils blanchâtres, dardait parfois une flamme aiguë et semblait voir au-delà de la portée humaine. Du reste, le baron de Féroé était trop parfait gentleman pour affecter la moindre excentricité. Ses façons étaient unies et froides, d'une correction anglaise, et il ne prenait pas devant les glaces des airs d'illuminés. Ce soir-là, comme au sortir du thé de Madame d'Imbercourt, il devait aller au bal de l'ambassade d'Autriche, il était en grande tenue et sur son habit noir, dont le revers cachait à moitié la plaque d'un ordre étranger, brillait, suspendu à une fine chaînette d'or, les croix de l'éléphant et de Dannebrog, le mérite de Prusse, l'ordre de Saint-Alexandre Niewski et autres décorations des cours du Nord qui prouvaient ses services diplomatiques. C'était vraiment un homme singulier que le baron de Féroé, mais d'une singularité qui ne frappait pas tout d'abord, tellement elle était enveloppée de flegme diplomatique. On le voyait souvent dans le monde aux réceptions officielles, au club, à l'opéra, mais sous cette apparence d'homme à la mode, il vivait d'une façon mystérieuse. Il n'avait ni amis intimes, ni camarades. Dans sa maison parfaitement tenue, nul visiteur n'avait dépassé le premier salon et la porte qui conduisait aux autres chambres ne s'était ouverte pour personne. Comme les Turcs, il ne livrait à la vie extérieure qu'une seule chambre où visiblement il n'habitait pas. La visite partie, il rentrait dans les profondeurs de son appartement. À quoi s'y occupait-il? C'est ce que nul ne savait. Il y faisait parfois des retraites assez longues, et les gens qui s'apercevaient de son absence l'attribuaient à quelque mission secrète, à quelque voyage en Suède où demeurait sa famille. Mais quelqu'un qui eût passé à une heure avancée par la rue peu fréquentée où restait le baron eût pu voir briller de la lumière à sa fenêtre et quelquefois le découvrir lui-même accoudé au balcon et le regard perdu dans les étoiles. Mais nul n'avait intérêt à épier le baron de Féroé. il rendait au monde strictement ce qu'il lui devait, et le monde n'en demande pas davantage. Auprès des femmes, sa politesse parfaite ne dépassait pas certaines limites, même lorsqu'elle eût pu, sans risque, s'aventurer un peu plus loin. Malgré sa froideur, il ne déplaisait pas. La pureté classique de ses traits rappelait la sculpture gréco-scandinave de Thorvaldsen. « C'est un Apollon gelé », disait de lui la belle duchesse de C, qui, s'il fallait en croire les médisances, avait essayé de fondre cette glace. Comme Malivert, le baron de Féroé regardait un dos charmant, d'une blancheur neigeuse, se présentant dans une attitude un peu courbée qui en arrondissait délicieusement les lignes et qu'une traîne de feuillage glauque, détachée de la coiffure, faisait parfois frissonner comme un imperceptible chatouillement. « Charmante personne !» dit le baron de Féroé à Guy dont il avait suivi le regard. « Quel dommage qu'elle n'ait pas d'âme !» Celui qui en deviendrait amoureux éprouverait le sort de l'étudiant Nathaniel dans l'homme au sable d'Hoffmann. Il courrait le risque de serrer au bal un mannequin entre ses bras. Et c'est une valse macabre que celle-là pour un homme de cœur. « Rassurez-vous, cher baron, répondit en riant Guy de Malivert, je n'ai aucune envie de méprendre de l'être à qui appartient ces belles épaules. Quoique de belles épaules ne soient pas en elles-mêmes un objet à dédaigner. En ce moment, je l'avoue à ma honte, je n'éprouve pas l'ombre de passion pour qui que ce soit. Quoi ? Pas même pour Madame d'Imbercourt que vous allez, dit-on, épouser ? Répliqua le baron de Féroé avec un air d'incrédulité ironique. Il y a de par le monde, dit Malivert en se servant d'une phrase de Molière, des gens qui marieraient le grand turc avec la République de Venise, mais j'espère bien rester garçon. Vous ferez bien, reprit le baron, dont la voix changea soudain d'accent et passa d'une familiarité amicale à une solennité mystérieuse. Ne vous engagez dans aucun lien terrestre. Restez libre pour l'amour qui peut-être va vous visiter. Les esprits ont l'œil sur vous, et vous pourriez vous repentir éternellement dans l'extra-monde d'une faute commise dans celui-ci. Pendant que le jeune baron suédois disait cette phrase étrange, ses yeux d'un bleu acier brillaient singulièrement et lançaient des rayons, dont Guy de Malivert crut sentir la chaleur à sa poitrine. Après les événements bizarres de la soirée, cette recommandation mystérieuse ne le trouva pas aussi incrédule qu'il l'eût été la veille. Il tourna vers le Suédois ses yeux étonnés et pleins d'interrogations, comme pour le prier de parler plus clairement. Mais M. de Féroé regarda l'heure à sa montre, dit « J'arriverai bien tard à l'ambassade », donna une énergique et rapide poignée de main à Malivert et s'ouvrit vers la porte, sans froisser une robe, sans marcher sur une queue, sans compromettre un volant, un chemin suffisant pour son passage, avec une habileté délicate qui prouvait son habitude du monde. « Eh bien, Guy, vous ne venez donc pas prendre une tasse de thé ?» dit Madame d'Imbercourt, qui avait enfin découvert son adorateur prétendu, appuyé d'un air rêveur contre la porte du petit salon. Il fallut bien que Malivert s'acheminât derrière la maîtresse du logis, jusqu'à la table où fumait la boisson chaude dans une urne d'argent entourée de tasses de Chine. Le réel essayait de reconquérir sa proie sur l'idéal.